Thank you. aliments dans le coltard. J'ai passé un camp, j'ai complètement bizarre. J'ai pas parti maintenant à être bientôt à gare. Maintenant. Bientôt à gare, j'ai pas tardé maintenant. Avoir l'œil trouble bizarre, je vais pas tarder maintenant, j'aurais pas dû. Une heure et demie et j'ai trop bu, j'aurais pas dû. Oh foutu, vacuité, foutu vacances, qu'est-ce que je. Moi j'en peux plus. Avec Jean-Pierre Blanquer, oui, j'ai envie de danser. J'ai envie de m'exiler. Envie de me pencher sur tous les dossiers, envie de résumer, envie de synthétiser, envie de gouverner, envie de penser, envie de diriger, envie de danser. Et j'ai pas envie de compromis, allez rencontre-moi à hippie Jean-Mi, à hippie Jean-Mi. Les Canaries, y a moins d'extra. Si à Ibiza, Coca, Nari. Oh, je ne sais pas s'il y a pas d'un. Ça, j'en ai dit, moi quoi, Jean. On dit jamais, j'en ai. On dit jamais, jamais. Jamais à Jean-Mi. Ah, et puis ça, ah, ah, ah. Santa. Jamais, jamais, à Jean-Mille. Quand il est là, oh, c'est la folie. On dit jamais, jamais, à Jean-Mille, à Ibiza. C'est la folie et la montrée. Au Canary, c'est plus facile, il y a moins d'extase. Si c'est Jean-Mille qui me l'a dit, au Canary. C'est plus posé, y'a que des Hollandais qui vont montrer, tu sais ce qu'ils vont montrer, oh. Oh, si, au Canary, au Canary, on rit, oh, ah. The piano, this is for you. I let go the piano, this is for you. I want to, I veux laisser de la place comme Jean-Mi l'aurait fait. Tu sais Jean-Mi, il t'aurait laissé rentrer. Tu sais Jean-Mi, il est gentil, il t'aurait pas laissé dehors comme un paparazzi. Tu sais Jean-Mi. Il a de l'extase, tu sais Jean-Mi, il fait des mix aussi, il est DJ, c'est vrai, c'est vrai, il est DJ comme moi, tu sais, au gouvernement Jean-Mi Blanquet, Jean-Mi Blanquet, et quand tu sais qu'il est DJ et qu'il va à Ibiza, moi me dis pas qu'il sait pas ce qu'il y a. Il sait pas où est-ce qu'il y a. Il sait pas pourquoi il est là. On dit jamais, jamais, jamais à Jean-Mi. Il reste plus que 5 jours, puis littoral au petit soir. Si tu l'as pas encore fait, tu peux le faire par internet. Sors-toi les doigts, sors-toi les doigts, sors-toi les doigts. Alors que c'est la guerre, réveille-toi. Y'a qu'un seul gars qui sait de quoi il parle. Putain, ça fait flipper, tu sais. Les gars y croient qu'avec un mur c'est réglé. Putain, c'est... Putain, il reste que 5 jours. Il reste que... Il reste que putain de 5 jours pour s'inscrire. Allez, tous les gens que tu connais qui sont pas inscrits, tu les inscris sur internet. Et même les morts, tu les inscris, et même les morts, tu les inscris. Ah, je me suis, pardon. Je me suis laissé emporter. On peut changer, on peut faire au sol. Allez, on peut faire si bémol. Thank you. des fois tu te rends compte que t'es pas pianiste et que tu dois laisser ta place. Des fois le pianiste se rend compte qu'il est pianiste et qu'il doit prendre sa place. Tout d'un coup ça s'organise. Thank you. Michel en vacances. Encore une fois, il mérite bien ça, tu vois, Jean-Michel. Et qui s'étonne que ça échoue. On parle d'un mec qui depuis 2018 dit qu'il a des armes plus fortes que tout. Et c'est vrai, la technologie c'est un français. On est au courant pourtant, on fait semblant qu'ils vont pas tirer. Gars, mais putain, mais réveille-toi. Il faut arrêter de prendre tout ça très au léger. Y'a que nous qui sommes au milieu. Y'a que nous. Alors, regarde, regarde un peu. On est. I'm stuck in the middle way. Non. Let's sing for peace in a world. We need a new currency based on love. We need a new currency based on love, with no legacy on it. We all need to get born with $1 million. Let's call it love. We eat so much more at birth. Not to be a burden on your worm. ma gueule d'homme. Non, redis-moi comment on va faire, comment on va faire. On va déjà se regarder dans les yeux et céder, comment te dire. Le chemin est si simple, si simple veut pas dire facile. Ça veut pas dire facile. Y'a trop de gens qui ont faim. Trop de gens exploités. L'esclavage moule. L'esclavage moderne. Hi everyone, I'm not streaming. So we are in private session. I'm glad to hear you.

Thank you.